Chapitre 10e. Ravasca était sans armes. Sur l'ordre du commissaire du paquebot, en effet, on lui avait enlevé son revolver et son casse-tête. Et il savait que si les bandits le trouvaient dans la cabine, il ne manquerait pas l'occasion de se débarrasser de lui, et sans risque. Il n'aurait qu'à raconter qu'il l'avait surpris en train de cambrioler leur mal et qu'il l'avait tué. Tout le monde leur donnerait raison. « Si seulement j'avais de quoi me défendre, » pensa le Gascon. Mais comme arme, il vit tout juste la carte de cristal accrochée à la cloison dans sa gaine d'acajou. Hors de la cabine, cependant, des grognements retentissaient. La porte, durement secouée, tremblait dans son cadre. « Ils vont sûrement enfoncer le battant, » pensa Rabascas, qui soudain entrevit le moyen d'échapper à ses ennemis, le hublot. Le grand hublot percé dans la coque du navire et qui était fermé. Rabascas, vivement, dévissa les écrous qui le retenaient et, étant grimpé sur la couche et au-dessus de laquelle se trouvait l'ouverture, passa sa tête au dehors et vit, à moins de 50 centimètres du hublot, une grosse colonne de fer verticale dont la base reposait sur un entablement de fonte fixé à la coque. C'était le porte-manteau d'un des canots du paquebot. Rabascas fit passer ses épaules hors du hublot et, s'étant penché au dehors, au risque de basculer à la mer, réussit à saisir la colonne de métal. Il s'y agrippa et parvint, non sans peine, à se glisser hors de la cabine. Il resta, pendant 2 secondes, accroché au porte-manteau, ses pieds reposant sur le cône de fonte servant de base à la colonne. Mais il comprit que s'il restait là, il serait vite vu, et que les bandits chercheraient à le précipiter à la mer, ce qui leur serait facile. Il entreprit de se hisser le long de la colonne de fer. Ce fut difficile. La peinture dont était recouvert le porte-manteau, détrempé par l'humidité marine, était extrêmement glissante. Mais Rabascas, réunissant ses forces et cédant des aspérités formées par les rivets assemblant les tôles de la coque, réussit à atteindre le niveau du pont inférieur. Il se cramponna aux tringles de la rambarde et, ayant escaladé la lisse, se trouva dans une coursive déserte. Il était sauvé. Mais son projet de délivrer Browning était devenu presque impossible. Il le comprit. Prudemment, il gagna le garde-manger de la cuisine et se jeta sur sa paillasse, épuisé. Pendant tout le reste de la nuit, il ne dormit guère. Son dépit et sa fureur étaient extrêmes. Il s'en voulait de ne pas s'être hâté davantage. S'il eut 5 minutes de plus à lui, il aurait eu le temps d'ouvrir la malle. Il réfléchissait encore que 5 heures du matin sonnèrent et qu'un marin vint, comme chaque jour, le réveiller. Il dut se mettre à l'ouvrage sans tarder. Ce fut en vain que les nuits suivantes, il essaya de s'approcher du logement du japonais et de son acolyte. La cabine ne resta plus jamais déserte. Un des hommes s'y tint en permanence, rien à tenter. L'île de Crète fut laissée en arrière et 5 jours après son départ de Marseille, le Città di Milano, vers 7 heures du soir, entra à Port Saïd. Comme il était trop tard pour accomplir les formalités administratives, le commissaire, ayant fait appeler Rabascas, lui annonça que ce serait seulement le lendemain matin qu'il serait livré à la police. Le Gascon fit mine de se résigner, mais habilement tâcha d'intéresser le chef cuisinier à son sort. Celui-ci, qui avait apprécié les qualités de son aide de cuisine improvisée, promit d'intercéder auprès du commissaire. Il tint sa promesse et, peu après le dîner, annonça à Rabascas que, sur son intervention, le commissaire avait consenti à le conserver à bord jusqu'à Colombo. C'était dans cette ville, on s'en souvient, que Rabascas avait raconté que se trouvait le frère qu'il allait rejoindre. Tout content, le Gascon s'en fut se coucher. Après avoir embarqué une nouvelle provision de charbon, le paquebot quitta Port Saïd le lendemain de la matinée. Le canal de Suez fut traversé sans incident, et 20 heures après son départ de Port Saïd, le Città di Milano jeta l'ancre dans le grand port de la mer Rouge. Le pilote qui avait guidé le paquebot dans le canal fut débarqué, mais il ne débarqua pas seul. À sa grande surprise, Rabascas vit que les 2 bandits qu'il poursuivait prenaient place avec leurs 2 immenses mâles dans un canot à vapeur. Celui-ci aussitôt fila vers un grand yacht peint en blanc, ancré à quelques centaines de mètres du paquebot et qui portait à sa corne d'artimon le pavillon blanc à boules rouges de l'Empire du Soleil Levant. Rabascas, tout en faisant sa vaisselle, demanda à l'aide de cuisine quel était ce navire. « C'est le Kokoro. « Un yacht japonais. Il appartient à un des passagers que nous avions à bord. Un beau bateau, hein ?»« Oui, » fit Rabascas en pensant à autre chose. Car tous ses plans étaient changés. Maintenant, il allait devoir quitter au plus vite le Città di Milano et s'introduire à bord du yacht japonais, chose peu facile à exécuter. Rabascas, sous prétexte d'aller monter du charbon pour ses fourneaux, sortit de la cuisine et descendit dans le faux-pont. Sous la coupée, un canot vide était amarré. C'était celui d'un marchand qui venait d'apporter des vivres frais à bord. Rabascas, s'étant convaincu d'un coup d'œil que personne ne l'observait, sauta dans l'embarcation et alla se cacher dans l'étroit réduit situé à l'avant sous le banc. Il attira à lui la bâche qui avait servi à abriter les légumes chargés dans l'embarcation et attendit les événements. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que le marchand et son aide, s'étant fait régler par le commissaire, revinrent dans l'embarcation, ils la détachèrent et ramèrent vers la terre. Rabascas sentit peu après que le canot s'échouait. Il entendit les deux hommes grommeler quelques phrases qu'il ne comprit pas et devina qu'ils débarquaient. Il les laissa s'éloigner et dès qu'il n'entendit plus le grincement de leurs pieds nus sur le sable, écarta doucement la vieille bâche qu'il recouvrait. Il put ainsi constater qu'il était bien seul dans l'embarcation. Il sortit alors complètement de sa cachette et après un dernier coup d'œil, sauta hors du canot. Il dit que l'embarcation était échouée sur une grève de sable jaune. Sur sa gauche, à moins de 100 mètres de lui, il distingua les premières maisons de Suez. À pas rapide, il se dirigea vers elles et, étant parvenu devant un petit café arabe installé au rez-de-chaussée d'une maison de torchis, s'assit sur ses talons à l'imitation des consommateurs et se fit servir une tasse de café qu'il paya avec un des 4 francs qui lui restait encore. Par ce qu'il avait entendu, il savait que le Città di Milano devait quitter Suez à midi. Il attendit donc ce moment pour revenir au bord de la mer, car il craignait d'être aperçu par les gens du navire italien et d'être signalé à la police. Il eut enfin la satisfaction de voir le Città di Milano virer son ancre et s'éloigner vers le sud. Maintenant, il s'agissait de s'introduire à bord du yacht japonais, ce qui n'était pas le plus facile. Et il fallait agir vite, car d'énormes volutes de fumée noire jaillissaient du tuyau jaune du Kokoro, indiquant qu'il chauffait à outrance afin de mettre les machines en pression pour partir. Rabascas résolut d'employer, pour s'introduire à bord, le même système qui lui avait si bien réussi pour quitter le paquebot italien. Il s'en fut vers un petit affrontement de bois où plusieurs canots étaient en train d'embarquer des fruits et des légumes. Un arabe, à qui il s'adressa, lui apprit que ses victuailles étaient destinées au Kokoro. Rabascas avisa le patron d'une des embarcations et lui offrit 3 francs s'il voulait le laisser embarquer sur son canot. « J'ai un ami, marin à bord du Kokoro, et je voudrais lui parler. » expliqua-t-il. L'arabe n'en demanda pas plus. S'étant fait verser les 3 francs, il laissa Rabascas s'installer au pied du mât parmi le chargement de l'embarcation. Peu après, l'embarquement des vivres étant terminé, le canot, sa voile hissée, fila allègrement vers le yacht japonais. « Maintenant, il va falloir jouer serré, » pensa Rabascas.